Elle était plantée là, immobile. Elle paraissait perdue, un peu timide. Elle n'osait regarder les hommes en face. Autant son allure ne trompait pas. Sur ce qu'elle attendait sur ce trottoir, elle essayait de faire. L'âge où les jeunes filles rêvent d'idylle. Pourquoi cette gamine encore fragile voulait vendre son corps argent facile? La réponse effroyable se lisait dans ses yeux. Le manque peu à peu devenait impérieux. Qui sont des leurs, alimentés par les dealers. Ces gens qui négocient l'horreur sans la moindre marge d'erreur, à déplomber dans la douleur, qui cherchent à s'envoyer ailleurs. Elle était plantée là, immobile. Elle essayait de faire.